Chapitre 5e. Il est certain que B. Mascaro, directeur d'une agence de placement, 6 rue Montorgueil, pour employer ses expressions, est doué d'un prodigieux aplomb. Son esprit audacieux a si souvent parcouru le champ inexploré de toutes les probabilités qu'il n'est rien qui puisse le prendre au dépourvu. Tant de fois, par la pensée, il s'est placé au milieu des circonstances les plus invraisemblables que la réalité ne saurait avoir de surprise pour lui. Quoi qu'il advienne, il est en garde naturellement. Lui-même aime à se comparer à ses écuyers habiles qui, ayant longtemps monté des chevaux dressés à jeter bas leurs cavaliers, peuvent, sans crainte d'être désarçonnés, enfourcher n'importe quelle monture. Cet orgueil est légitime et même justifié par des faits indiscutables. B. Mascaro a fait ses preuves. Néanmoins, pendant qu'il gravissait les marches du magnifique escalier de l'hôtel de Mussidan, éclairé, car la nuit était venue, par des lanternes d'une richesse extrême, l'intrépide placeur lui-même, quelques heures plus tard, l'avouait au docteur, sentait ses jambes fléchissantes et cotonneuses. Son cœur battait plus vite et sa salive s'épaississait autour de sa langue, lorsque Florestan, après lui avoir fait traverser une antichambre à divan de velours, l'introduisit dans la bibliothèque, une pièce très vaste, du goût le plus sévère. À ce nom trivial de Mascaro, qui éclatait là plus dissonant qu'un juron d'ivrogne dans une chambrette de jeune fille, M. de Mussidan leva vivement la tête. Le comte était établi au front de la pièce, et il lisait à la lueur des quatre bougies d'un candélabre d'un merveilleux travail. Laissant tomber son journal sur ses genoux, il posa son binocle sur son nez, et considéra d'un air profondément surpris le placeur qui, le chapeau à la main, la bouche en cœur, les chines en cerceau, s'avançait balbutiant d'inintelligibles excuses. Cet examen sommaire ne lui apprenant rien, M. de Mussidan se leva à demi et demanda « Vous désirez, monsieur ?»« Monsieur le comte, répondit B. Mascaro, daignera m'excuser si, n'ayant pas l'honneur d'être connu de lui, j'ai osé, je me suis permis. » D'un geste brusque et impérieux, le comte lui coupa la parole. « Attendez !» Cette fois, il se leva tout à fait, alla tirer violemment un des cordons de sonnette qui pendait de chaque côté de la cheminée et revint prendre place dans son fauteuil. B. Mascaro demeurait toujours au milieu de la bibliothèque, muet, un peu interdit, se demandant, car cela rentrait dans ses prévisions, si on allait le faire reconduire jusqu'à la grille. Il s'était bien écoulé une minute lorsque, la porte s'ouvrant, le fidèle domestique qui avait introduit son placeur parut. « Florestan, lui dit le comte du ton le plus calme, voici la première fois que vous vous permettez de faire entrer quelqu'un ici sans que je vous en ai donné l'ordre. Si cela vous arrivait une seconde fois, vous quitteriez mon service. Je puis assurer à monsieur le comte, vous voilà prévenu, il suffit. » Durant cette minute d'attente, pendant ce colloque rapide, B. Mascaro étudia le comte avec toute l'intensité d'attention que communique un intérêt personnel en jeu. Monsieur le comte Octave de Mussidan ne ressemblait en rien à l'homme qu'on se serait imaginé, après avoir entendu les histoires de Florestan. Déjà, du temps de Montaigne, il ne fallait se fier qu'à demi au portrait d'un maître tracé par ses serviteurs. Le comte, qui avait alors 50 ans à peine, en paraissait bien 60. D'une taille un peu au-dessus de la moyenne, il était desséché plutôt que maigre. Ses cheveux sur son crâne étaient rares, et ses favoris, qu'il portait fort longs, étaient complètement blancs. Les chagrins ou les passions de la vie s'accusaient en rides profondes sur sa figure tourmentée. L'expression amère, encore plus que hautaine, de sa physionomie trahissait l'homme qui, ayant bu l'existence jusqu'à la lie, ne souhaite plus que briser la coupe. Tel, on se représente, ces lords orgueilleux de l'Angleterre qui ne vivent plus que par les excitations de la tribune ou la fièvre de leur ambition. Florestan sorti, M. de Mussidan se retourna vers l'intrus et, du même ton glacial, dit « « Expliquez-vous maintenant, monsieur. » M. Mascaro s'est, des centaines de fois, exposé à des réceptions fâcheuses, mais jamais il n'avait été reçu ainsi. Blessé dans sa vanité, car il est vaniteux comme tous ceux qui exercent un pouvoir occulte, il ressentit contre M. de Mussidan le plus violent mouvement de colère. « Misérable grand seigneur, pensa-t-il, nous verrons bien si tu seras aussi fier tout à l'heure. » Mais son visage ne trahit rien de ses pensées. Son attitude resta servile, son sourire bassement obséquieux. Monsieur le comte ne peut me connaître, et il me permettra de prendre la liberté de me présenter moi-même. Monsieur le comte a entendu mon nom. Pour Pour ce qui est de ma profession, je suis placeur et aussi agent d'affaires quand l'occasion se présente. La volonté et la pratique ont donné aux imitations de M. B. Mascaro une perfection si rare que son humilité, son ton de miel, trompèrent absolument son interlocuteur. M. de Mussidan n'eut pas un soupçon, pas un pressentiment. Il ne devina pas sous ses lunettes bleues des regards menaçants. « Ah, vous êtes agent d'affaires, » dit-il d'un air ennuyé. « Ce sont alors mes créanciers qui vous envoient vers moi, monsieur Mascaro, monsieur le comte. Mascaro, soit. Eh bien, monsieur Mascaro, ces gens-là sont absurdes. Je leur ai souvent répété. Comment sont-ils assez ridicules pour donner signe de vie lorsque je ne chicane jamais sur le total d'une facture, quand je paye sans sourciller des intérêts extravagants? Ils savent qu'ils ne peuvent manquer d'être payés, n'est-il pas vrai? Ils n'ignorent pas que je suis riche. Ils ont dû vous le dire. C'est vrai. J'ai une fortune territoriale des plus considérables. Si, jusqu'ici, je n'ai voulu ni vendre ni emprunter, c'est que cela me convenait ainsi. Emprunter est ridicule, quand on ne se suffit pas avec ses revenus. On se grève d'intérêts qui s'accumulent et qui conduisent tout doucement à l'expropriation, qui est la ruine. Le crédit foncier me donnerait 1 million demain, rien que de mes terres du Poitou, je n'en veux pas. La preuve que B. Mascaro avait bien recouvré son sang-froid, c'est qu'au lieu de chercher à ramener le comte à la question qu'avait décidé sa démarche, il le laissait dire, écoutant bien attentivement, songeant à mettre à profit ce qu'il entendait. « Ce que je vous dis là, reprit le comte, rapportez-le textuellement aux gens dont vous êtes l'ambassadeur. Je demanderai pardon à monsieur le comte, mais... quoi? Je me permettrai... Ne vous permettez rien, ce serait inutile. Ce que j'ai promis, je le tiendrai. Le jour où il me faudra doter ma fille, je liquiderai ma situation pas avant. » « Seulement, je veux bien ajouter qu'il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant qu'elle épouse M. de Breuil-Faverley. J'ai dit. » Ce « j'ai dit » signifiait « on ne peut plus clairement, retirez-vous. » Pourtant, M. Mascaro ne bougea pas. D'un geste prompt comme celui d'un maître d'armes rajustant son masque, il ajusta ses lunettes sur son nez et c'est sans tremblement dans la voix qu'il lui dit « Eh bien, monsieur le comte, c'est justement ce mariage qui m'amène. » Positivement, M. de Mussidan crut avoir mal entendu. « Vous dites ? » interrogea-t-il. « Je dis, » insista le placeur, « que je suis envoyé vers vous, monsieur le comte, au sujet du mariage de M. de Breuil et de Mademoiselle Sabine. » Lorsqu'il parlait de la violence du caractère de M. de Mussidan, ni le docteur ni Florestan n'exagéraient. En entendant le nom de sa fille prononcé par ce louche agent d'affaires, il devint fort rouge et un éclair de colère brilla dans ses yeux. « Sortez ! » dit-il d'un ton bref. Ce n'était certes pas l'intention du digne placeur. « Il s'agit de choses importantes, monsieur le comte, » prononça-t-il. Cette insistance était faite pour exaspérer monsieur de Mussidan. « Ah, vous vous obstinez à rester » cria-t-il. Et en même temps, assez péniblement à cause de sa jambe malade, il se leva pour aller à la sonnette. Mais monsieur Mascaro avait deviné le mouvement. « Prenez garde, » fit-il, « si vous sonnez, vous vous en repentirez toute votre vie. » Cette menace parut transporter de fureur M. de Mussidan. Laissant la sonnette, il saisit une canne déposée près de la cheminée et il allait châtier l'insolent quand celui-ci, sans rompre d'une semelle, de la voix la plus ferme, dit « Des violences, monsieur le comte, souvenez-vous de Montlouis. » Lorsqu'aux prudentes recommandations du docteur Ortubise, B. Mascaro répondait « Sois tranquille, je sais comment mater le comte. » C'est à peine s'il avait conscience de son pouvoir. À ce nom de Montlouis, M. de Mussidan devint plus blanc que sa chemise et se recula, laissant échapper la canne dont il s'était armé. Un spectre, se dressant devant lui, les bras étendus pour protéger le placeur, ne l'eut pas plus vivement impressionné. « Montlouis ? » murmura-t-il. « Montlouis ? » Mais déjà B. Mascaro, assuré désormais du succès de sa négociation, avait repris l'humble attitude du solliciteur. « Croyez, monsieur le comte, qu'il ne m'a pas fallu moins que l'imminence du danger pour me décider à prononcer ce nom qui éveille en vous les plus pénibles souvenirs. » Monsieur de Mussidan paraissait à peine entendre. C'est en chancelant qu'il avait regagné son fauteuil. « Ce n'est pas moi, » continuait le placeur, « qui jamais aurait conçu la pensée de m'armer contre vous d'un accident malheureux. Voyez en moi ce que je suis réellement. Un intermédiaire entre des gens que je méprise et vous, pour qui je professe le plus profond respect. » Grâce à une énergie de volonté peu commune, M. de Mussidan avait réussi à rendre à ses yeux et à sa physionomie leur expression habituelle. « En vérité, monsieur, » dit-il d'un ton qu'il s'efforçait de rendre indifférent, « je ne vous comprends pas. Mon émotion n'est que trop explicable. Un jour, à la chasse, j'ai eu le malheur affreux de tuer un pauvre garçon, mon secrétaire, qui portait le nom que vous dites. Les tribunaux ont été appelés à se prononcer sur cet horrible événement, et après avoir entendu les témoins, ils ont jugé que ce n'était pas à moi, mais à la victime, qu'on devait imputer l'imprudence. » Le sourire de B. Mascaro devenait si ironique et si éloquent à la fois que M. de Mussidan s'arrêta. « Ceux qui m'envoient, répondit le placeur, savent ce qui a été dit devant les juges. Malheureusement, ils connaissent le fait vrai. Celui que trois hommes d'honneur avaient juré de taire et de cacher à tout prix. » Le comte, sur son fauteuil, eut un tressaillement, mais M. Mascaro ne voulut pas s'en apercevoir. « Rassurez-vous, monsieur le comte. Ce n'est pas volontairement que vos témoins ont trahi leur serment. La Providence, en ses desseins mystérieux... Au fait, monsieur !» interrompit le comte d'une voix frémissante. « Au fait !» Jusqu'alors, M. Mascaro avait parlé debout. Voyant que, bien décidément, on ne lui offrirait pas le siège, il s'avança familièrement un fauteuil et s'assit. À cette audace, M. de Mussidan frémit de colère, mais il n'osa rien dire. Et cette résignation seule eût suffi pour lever tous les doutes du placeur s'il en eût eu encore. « J'arrive, » dit-il. L'événement auquel nous faisions allusion avait deux témoins, un de vos amis d'abord, le baron de Clinchamp, puis un de vos valets de pied, un certain Ludovic Trofeu, actuellement piqueur chez M. le comte de Commarin. J'ignore ce qu'est devenu Ludovic, mais nos gens le savent, M. le comte. Ce Ludovic, lorsqu'il vous promettait un silence éternel, était garçon. Marié quelques années plus tard, il a tout raconté à sa jeune femme, tout, absolument. Cette femme, qui a mal tourné, a eu des amants. Et c'est par l'un d'entre eux que la vérité est arrivée jusqu'aux oreilles de ceux qui m'envoient. « Et c'est sur la parole d'un valet, » s'écria le comte, « sur le rapport d'une fille perdue, qu'on ose m'accuser, moi ?» Pas un mot d'accusation directe n'avait été prononcé, et déjà M. de Mussidan se défendait. Le digne placeur le remarquait bien. « On a mieux que la parole de Ludovic, » dit-il. « Ah !» fit le comte, qui était bien sûr de son ami. « Oserez-vous me dire que M. de Clinchamp a parlé ?» Il fallait que son trouble fût immense, car lui, l'homme du monde, si fin, le grand seigneur rompu à toutes les dissimulations, il ne remarquait pas la perfidie des questions de son adversaire. Il ne s'apercevait pas que chacune de ses réponses était une arme qu'il fournissait contre lui. « Non !» répondit l'honorable placeur. Le baron n'a pas parlé, il a fait pire, il a écrit. C'est faux! Mais Mascaro, qui n'en est pas à un démenti près, ne broncha pas. Monsieur de Clinchamp a écrit, insista-t-il. Seulement, il croyait bien écrire que pour lui seul. Monsieur de Clinchamp, vous ne pouvez l'ignorer, monsieur le comte, est l'homme le plus méthodique de la terre, soigné et ordonné jusqu'à la puérilité. C'est connu, passé. En ce cas, vous ne serez pas surpris d'apprendre que depuis l'âge de raison, M. de Clinchamp tient registre de sa vie. Chaque soir, il relate sur son journal l'état de sa santé, les variations de la température, les moindres incidents de sa journée inoccupée. En effet, le comte connaissait cette particularité qui avait valu à son ami plus d'une plaisanterie. Maintenant, il commençait à entrevoir le péril. En apprenant les révélations de Ludovic, continua M. Mascaro, nos gens ont pensé que si le fait était vrai, on en trouverait une mention sur le journal de M. de Clinchamp. Grâce à des prodiges d'adresse et d'audace, ils ont eu entre les mains pendant une journée le volume de ce journal correspondant à l'année 1842. « Infamie !» murmura le comte. Ils ont cherché et ils ont rencontré non pas une mention, mais trois. M. de Mussidan eut un mouvement si violent que le brave placeur, un peu effrayé, recula son fauteuil. « Des preuves !» disait le comte, « des preuves. Rien n'a été oublié. Avant de remettre en place le volume, on en a arraché les trois feuillets qui vous concernent. C'est aisé à vérifier. Où sont ces pages ?» M. Mascaro prit son grand air d'honnête homme indigné. « On ne me les a pas remises, » fit-il, « sans cela. Mais on les a fait photographier. Et on m'en a confié une épreuve, afin de vous mettre à même d'examiner l'écriture. » Il présentait en même temps trois épreuves, d'une admirable netteté. Longtemps, le comte les examina avec la plus scrupuleuse attention, et c'est une voix qui trahissait son découragement qu'il dit « Oui, c'est bien l'écriture de Clinchamp. » Pas un des muscles de la terne figure du placeur ne trahit la joie qu'il ressentait. « Avant tout, reprit-il, je crois indispensable de prendre connaissance de la relation de M. de Clinchamp. Monsieur le comte désirerait-il la parcourir lui-même, ou veut-il que je lui en donne lecture ? Lisez !» répondit M. de Mussidan, qui plus bas ajouta « Je n'y vois plus. » Le placeur, pour obéir, traîna son fauteuil près des bougies. « En juger par le style, observa-t-il, M. de Clinchamp doit avoir rédigé ceci le soir même de l'accident. Enfin, je commence. En 1842, 26 octobre. Aujourd'hui, de grand matin, je suis parti pour chasser avec Octave de Mussidan. Nous étions suivis du piqueur Ludovic et d'un brave garçon nommé Montlouis, que Octave dresse pour en faire son futur intendant. La journée promettait d'être superbe. À midi, j'avais déjà 3 lièvres. Octave était d'une gaieté folle. Vers 1 heure, nous traversions les tailles de Biveron. J'allais devant, à 50 pas, avec Ludovic, lorsque les éclats de voix nous font nous retourner. Octave et Montlouis avaient une discussion de la dernière violence et nous voyons le comte lever la main sur son futur intendant. J'allais accourir quand je vois Montlouis venir vers nous. Je lui crie « Qu'y a-t-il ? » Au lieu de me répondre, le malheureux se retourna vers son maître en proférant des menaces et en criant un mot qui, dans la position d'Octave, nouvellement marié, était une injure abominable. Ce mot, Octave l'entendit. Il avait à la main son fusil armé, il épaule, ajuste et fait feu. Montlouis tombe, nous accourons. L'infortuné avait été tué raide. Le coup avait fait balle. J'étais consterné. Mais je n'ai rien vu d'aussi terrible que le désespoir d'Octave. Il s'arrachait les cheveux, il embrassait le cadavre. Seul de nous, Ludovic avait gardé son sang-froid. Ceci, nous dit-il, doit être un accident de chasse. Le terrain y prête merveilleusement. Monsieur aura tiré de là-bas. Là-dessus, nous avons arrangé une version et fait le serment de la soutenir. C'est moi qui ai fait la déclaration au juge de paix de Biveron. Il n'a pas douté de mon récit. Mais quelle journée! Je crains bien un gros rhume. Mon pouls bat 86 pulsations. J'ai la fièvre et je sens que je dormirai mal. Octave est comme fou. Mon Dieu, qu'arrivera-t-il? Enfoncé dans son fauteuil, le comte de Mussidan écouta cette lecture sans donner le plus léger signe de sensibilité. Était-il tout à fait accablé? Cherchait-il quelque moyen pour replonger dans l'oubli de la tombe ce fantôme du passé qui, tout à coup, surgissait menaçant en travers de son chemin? Voilà ce que se demandait le placeur, qui n'avait cessé d'épier l'effet produit. Mais au dernier mot, le comte se redressa de l'air d'un homme qui, à son réveil, constate qu'il vient d'être le jouet d'un affreux cauchemar. « C'est de la folie, » fit-il avec le plus beau sang-froid. « Folie bien lucide, dans ce cas, » murmura M. Mascaro. « Folie jouant assez bien la raison pour surprendre les plus experts. On n'est ni plus net, ni plus précis, ni plus bref. » « Et si je prouvais, moi, » reprit le comte, « que ce récit est faux, absurde, ridicule, qu'il ne peut être que l'œuvre d'un maniaque, d'un halluciné ?» P. Mascaro secoua tristement la tête. « Ne nous laissons point endormir par de trompeuses illusions, monsieur le comte, » soupira-t-il. « Notre réveil n'en serait que plus terrible. » Il disait « nous », audacieusement, associant par ce pluriel sa personne à lui, B. Mascaro, et celle du comte de Mussidan. Et le comte, loin de se révolter, eut comme un sourire. « À la grande rigueur, » poursuivait le placeur, « si monsieur de Clinchamp se fût borné à cette relation, on pourrait s'inscrire en faux. » Opposer un système basé sur son état mental à un moment donné, état provenant de la commotion par lui éprouvée. Malheureusement, le baron se dépense en encre. Permettez que je vous fasse entendre en quels termes il revient à la charge. Soit, j'écoute. 3 jours se sont écoulés, reprit B. Mascaro. Monsieur de Clinchamp a eu le temps de se remettre, et cependant, voici ce qu'il dit. En 1842, 29 octobre. Ma santé m'inquiète. Je ressens des douleurs à toutes les articulations. Ce malaise vient peut-être des tourments incroyables que me cause l'affaire d'Octave. J'ai été forcé tantôt de me transporter chez le juge d'instruction. Il a, ce diable de juge, des regards à faire remuer la vérité au fond des entrailles. Je remarque avec terreur que ma version a quelque peu varié. Il faut, si je ne veux pas me couper, que je rédige une déposition et que je la prenne par cœur. Cela me sera surtout utile pour l'audience. Ludovic se tient bien, il est fort intelligent, ce garçon. Je serais bien aise de l'avoir à mon service. C'est à peine si je sortir, tant je suis obsédé de gens qui me demandent le récit de l'accident. Rien que dans la famille de Sauvebourg, je l'ai raconté 17 fois. Je m'ennuie extraordinairement ici. « Eh bien, monsieur le comte, » demanda le placeur, « que pensez-vous de ces réflexions ?» Monsieur de Mussidan ne répondit pas à cette question. « Achevez votre lecture, monsieur. »« Volontiers. » La troisième mention, pour bref qu'elle est, n'en est pas moins décisive. Voici ce que le baron écrivait un mois après les événements. En 1842, 23 octobre. Enfin, c'est fini. J'arrive du tribunal. Octave est acquitté. Ludovic a été admirable. Il a expliqué l'accident avec une si rare habileté que personne dans l'auditoire n'a pu concevoir l'ombre d'un soupçon. Tout bien pesé, ce garçon est trop fort. Je ne le prendrai pas à mon service. Mon tour de déposer est venu. Il m'a fallu lever la main et jurer de dire la vérité. Je ne pouvais prévoir l'émotion qui s'est emparée de moi. Non. Il faut avoir passé par là pour se faire une idée de ce que c'est qu'un faux témoignage. J'ai cru que je ne parviendrais pas à lever le bras. Il me semblait de plomb. En regagnant ma place, je constatais une forte oppression. Mon pouls, certainement, n'avait pas 40 pulsations. Voilà pourtant où peut conduire la colère. Il faut que pendant un an j'écrive chaque jour cette maxime « Ne jamais céder à mon premier mouvement ». Et en effet, ajouta le placeur, une année durant, M. de Clinchamp a écrit cette phrase en tête de toutes les pages de son journal. Je tiens ces faits des gens qui ont eu les volumes entre les mains. C'était bien la 10e fois que B. Mascaro mettait en avant ces gens dont il se prétendait le mandataire contraint. Et M. de Mussidan s'obstinait à ne pas le remarquer, s'entêtait à ne pas demander « Quels sont donc ces gens ?» Cela était extraordinaire, sinon un peu inquiétant. Le comte s'est élevé. Il arpentait son cabinet. Soit qu'il cherchait des idées, soit qu'il voulut enlever au placeur la possibilité de suivre dans ses yeux le reflet de ses émotions. « C'est tout ? » demanda-t-il après un silence. « Oui, monsieur le comte. » « Cela étant, savez-vous ce que vous répondrez à un juge impartial ?»« Oui, je serais assez curieux de le savoir. » « Il vous répondrait ceci. » Un homme en possession de son bon sens n'écrit pas des choses pareilles. Il est de ces secrets qu'on s'efforce d'oublier, qu'on ne dit pas à son bonnet de nuit, qu'à plus forte raison on ne confie pas une feuille de papier qui s'égare, qui peut être volée, qui doit tomber entre les mains d'héritiers. Il est impossible qu'un homme sensé, coupable d'un faux témoignage, c'est-à-dire d'un crime qui entraîne les travaux forcés, aille s'amuser à en coucher les détails sur un registre, en y joignant l'analyse de ses sensations. L'honnête placeur ne put retenir un mouvement de commisération. « Mon avis, monsieur le comte, dit-il, est que vous avez tort de chercher une issue de ce côté. Votre thèse n'est pas soutenable. Pas un avocat ne l'accepterait. Si, pour arriver à des preuves certaines, j'entends des preuves judiciaires, on examinait les 30 et quelques volumes du journal de monsieur de Clinchamp, on y trouverait, paraît-il, bien d'autres énormités. » Monsieur de Mussidan réfléchissait, mais sa physionomie ne portait aucune trace d'appréhension si légère qu'elle fût. Il paraissait avoir arrêté un parti et ne plus discuter que pour la forme. « Soit, j'abandonne ce système. Oui, cela vaut autant. Mais qui m'assure que je n'ai pas sous les yeux l'œuvre d'un faussaire? On imite terriblement bien les écritures. En un temps où la banque a eu de la peine à reconnaître des billets faux mêlés aux siens, on peut vérifier. Manque-t-il ou non des feuillets à un des volumes de M. de Clinchamp? Qu'est-ce que cela prouve? Tout, monsieur le comte. Laissez-moi vous montrer que ce système ne vaut pas mieux que l'autre. Tout d'abord, j'abandonne le témoignage de monsieur de Clinchamp. Il est clair qu'il répondrait conformément à vos intérêts. Passons, passons. Mais en l'état de cause, le journal de monsieur de Clinchamp est pour nous comme un livre à souche. Les fragments des feuillets déchirés remplissent le rôle du talon. Si les deux déchirures se rapportent, n'y a-t-il pas évidence? Hélas, les gens qui m'envoient vers vous sont bien habiles, ils n'ont rien oublié. » Le comte eut un sourire ironique, un de ces sourires d'homme qui tient en réserve un argument vainqueur. Est-ce vraiment votre opinion ? En mon âme et conscience, oui. Alors autant avouer. Oh ! Avec de telles preuves contre soi, on n'avoue pas, on est convaincu. Alors oui, c'est vrai. Mon Louis a été tué comme le dit Clinchamp. Et Clinchamp, s'il est un imprudent, est un homme de cœur. Il a su quelles raisons, dans ma discussion avec mon Louis, m'ont exalté jusqu'au délire, et ces raisons, il ne les a pas consignées. B. Mascaro eut un soupir de soulagement, quoiqu'en vérité, il fût inquiet de la tournure de l'entretien et du ton dégagé de son adversaire. Seulement, reprit le comte, ce sont des niais, ceux qui ont prétendu se faire une arme contre moi de cet immense malheur. Il prit en parlant ainsi un volume sur les rayons de sa bibliothèque, le feuilleta, et le plaça tout ouvert devant B. Mascaro en disant « Voici le code d'instruction criminelle, lisez, tenez ici article 637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles se prescriront après 10 années révolues, etc., etc. » M. de Mussidan espérait bien que ce seul article écraserait le louche personnage. Point. Loin de sembler surpris, M. Mascaro eut un large et bon sourire. « Eh ! » répondit-il. « Je suis agent d'affaires, monsieur le comte. C'est vous dire que je connais mon code. Le jour où ceux que je représente sont venus me trouver, mon premier mouvement a été de leur lire cet article. « Ah ! » Et qu'ont-ils répondu ? « Ceci, textuellement. « Par Dieu, nous savons cela. S'il n'y avait pas prescription, nous n'aurions pas besoin de vos services. Nous irions tout bonnement trouver le comte. Nous lui demanderions la moitié de sa fortune et il se ferait un plaisir de nous la donner. » Il n'y avait pas à se tromper à l'air et à l'accent d'assurance de B. Mascaro. M. de Mussidan comprit bien que des misérables, d'une audace et d'une habileté supérieures, devaient avoir trouvé quelqu'un faillible moyen d'utiliser contre lui le crime de sa jeunesse. Mais s'il fut saisi à cette certitude d'une inquiétude si grande que son cœur se serra, il était assez maître de lui pour n'en rien laisser échapper. « Allons, fit-il, la moitié de ma fortune l'échappe belle, à ce qu'il paraît. Les prétentions, je l'imagine et je l'espère, sont plus modestes. Maintenant que les feuillets volés à mon ami ne sont plus que d'inutiles chiffons. Oh, inutiles. Le code à cet égard est précis, ce me semble. » M. Mascaro prit la peine d'ajuster ses lunettes, signe manifeste qu'il allait dire quelque chose de grave. « Vous avez raison, monsieur le comte. On ne doit pas songer à vous atteindre par les voies judiciaires. Vous ne pouvez être ni recherché ni poursuivi pour ce meurtre qui date de 23 ans. Donc, pardon, les malheureux au nom desquels je parle, et j'en rougis, ont imaginé une petite combinaison qui ne laisserait pas que d'être bien désagréable. Je dirais volontiers désastreuse, pour vous d'abord, puis pour M. le baron de Clinchamp. Et peut-on connaître cette combinaison ingénieuse, certes? C'est justement pour vous l'expliquer, pour vous en démontrer le succès certain que j'ai été envoyé vers vous. » Il s'arrêta, cherchant sans doute comment exposer le mieux et le plus nettement le projet, et enfin reprit. « Admettons d'abord, monsieur le comte, que vous rejetiez la requête que je suis chargé de vous présenter. Peste. C'est là ce que vous appelez une requête. Mon Dieu, le nom ne fait rien à la chose. Je me suppose repoussé par vous. Qu'arrive-t-il ? Dès demain, mes clients, j'ai honte de les appeler ainsi, font imprimer dans un journal le récit émouvant de M. de Clinchamp avec ce simple titre « Histoire d'une chasse ». On ne met que des initiales, bien entendu, mais suffisamment transparentes. De plus, on ajoute un détail. Vous oubliez qu'il y a des tribunaux, monsieur, et qu'en matière de calomnie, la preuve n'est pas admise. Le digne placeur eut une petite grimace ironique. Oh, nos gens n'oublient rien. Et c'est même sur la particularité que vous indiquez que leur plan est basé. C'est pour cela que dans la version donnée à un journal, ils introduisent un cinquième personnage, un homme à eux, un complice, qu'ils nomment en toutes lettres. Cet homme, dès le lendemain de la publication, dépose une plainte contre le signataire. Il pousse les hauts cris, il se prétend calomnié, il demande à prouver devant les tribunaux qu'il ne faisait pas partie de cette funeste partie de chasse. Et alors ? Alors, monsieur le comte, cet homme qui veut qu'il soit avéré, qu'il soit reconnu que le journal s'est trompé, fait assigner comme témoin vous, d'abord, puis M. de Clinchamp, puis Ludovic. Comme il demandera des dommages-intérêts, il aura un avocat, qui est trouvé et qui est du complot. Naturellement, cet avocat parlera. Que M. de Mussidan soit un assassin, dira-t-il, c'est ce dont nous ne saurions douter d'après les documents que nous avons entre les mains. M. de Clinchamp est un faux témoin, il l'a écrit. Ludovic Suborné a surpris la religion de la justice. Mais mon client, cet homme honorable, ne saurait être confondu, etc., etc. Et comptez qu'on trouvera l'occasion de lire et de relire les fameux feuillets. Je ne sais pas si je m'explique bien clairement. Hélas, oui, si clairement et avec une logique si implacable que l'idée ne pouvait même venir de se soustraire à cette odieuse machination. D'un rapide coup d'œil, le comte embrassa l'avenir. Il vit l'éclat déshonorant, le scandale affreux d'un tel procès. Il vit la France entière occupée de ses débats. Il se vit ainsi que les siens au banc de l'opinion. Et cependant, tel était son caractère entier et impatient de toute contrainte, qu'il était bien plus désespéré encore que consterné. Il connaissait la vie et les hommes. Il savait que les misérables qui les tenaient là sous le couteau, lui demandant la bourse ou l'honneur, devaient redouter l'œil de la justice. Il se disait que s'ils repoussaient leurs prétentions, ils n'oseraient probablement pas accomplir leurs menaces. S'il ne se fût agi que de lui, il eût certainement couru les risques de la résistance, et pour commencer, il se fût donné l'indicible satisfaction de bâtonner l'impudent personnage qui était là devant lui. Mais pouvait-il exposer au péril d'un refus Clinchamp, cet ami dévoué qui s'était compromis pour lui? Clinchamp, nature timide et peureuse, incapable de survivre à un éclat. Toutes ses pensées, et bien d'autres, tourbillonnaient dans son esprit pendant qu'il arpentait sa bibliothèque. Il était ballotté entre les résolutions les plus opposées, tantôt résigné à subir l'affront, tantôt prêt de se jeter sur le digne placeur. Ses gestes désordonnés, ses exclamations trahissaient la violence de ses sensations, et pour braver les emportements de ce furieux, qui, lorsque le sang affluait à son cerveau, tirait sur un homme comme sur un lapin, il fallait une impudence montée jusqu'à l'héroïsme. Mais B. Mascaro en a bien vu d'autres. Pendant qu'avec un petit frisson taquin, il se demandait s'il sortirait de la bibliothèque, par la porte ou par la fenêtre, il tournait ses pouces d'un air bonasse. À la fin, le comte, se faisant une violence inouïe, la plus dure de son existence, se décida pour le parti de la prudence. Il s'arrêta brusquement devant le placeur, et sans prendre la peine de dissimuler son dégoût, d'une voix brève, il dit « Finissons. Combien voulez-vous vendre ces papiers ?» B. Mascaro eut la mine contrite de l'honnête homme méconnu. « Oh, monsieur le comte, pouvez-vous bien me croire complice ?» M. de Mussidan haussa les épaules. « Au moins, faites-moi l'honneur de m'accorder autant d'intelligence qu'à vous. Quelle somme exigez-vous » Pour la première fois depuis son entrée, le placeur parut embarrassé. Il hésita. « On ne veut pas d'argent, » dit-il enfin. « Pas d'argent, » fit le comte surpris. « Que voulez-vous donc ?»« Une chose qui n'est rien pour vous, qui est énorme, pour ceux qui m'envoient. Je suis chargé de vous dire que vous pouvez dormir tranquille, si vous consentez à rompre les projets d'union qui existent entre Mademoiselle de Mussidan et M. de Breuil-Faverley. Les feuillets du journal de M. de Clinchamp vous seront restitués le jour du mariage de Mademoiselle Sabine avec tout autre prétendant que vous choisirez. » Ces exigences, au moins bizarres, étaient si loin des prévisions du comte qu'il demeurait immobile comme pétrifié. « Mais c'est de la folie, » murmura-t-il. « Rien n'a jamais été plus sérieux. » Tout à coup, M. de Mussidan tressaillit. Un soupçon atroce venait de traverser son esprit. « Voudriez-vous, » demanda-t-il, « oseriez-vous me présenter et m'imposer un gendre ?» L'honorable placeur se redressa. « J'ai assez d'expérience, monsieur, pour être certain que jamais vous ne consentiriez à sacrifier votre fille à votre salut. Mais alors ?»« Vous vous êtes mépris, monsieur le comte, sur le mobile de mes clients. Ils vous menacent, c'est vrai. Mais c'est à monsieur de Breuil qu'ils en veulent. Ils ont juré qu'ils n'épouseraient pas une jeune fille qui aura près d'un million de dot. Leurs procédés à votre égard sont ceux de misérables. Leur but pourrait presque s'avouer. » Tel était l'étonnement de M. de Mussidan, que, sans y prendre garde, il donna une apparence toute nouvelle à l'entretien. Il résistait encore, mais sans passion. Il répondait bien plutôt aux objections de son esprit qu'à son interlocuteur. « M. de Breuil a ma parole, » dit-il. « Un prétexte n'est pas difficile à trouver. La comtesse de Mussidan tient beaucoup à ce mariage. Elle en parle sans cesse. je trouverai de ce côté bien les obstacles. » Le placeur jugea sage de ne pas répondre. « Enfin, continua le comte, je crains que ma fille ne ressente un grand chagrin de cette rupture. » Grâce à Florestan, Belmascaro connaissait la valeur de cette objection. « Oh ! Une jeune demoiselle du rang de Mademoiselle Sabine, à son âge, avec son éducation, ne saurait avoir des impressions bien profondes. » Pendant un quart d'heure encore, le comte lutta. Subir la loi de vil coquin, abusant d'un secret volé, l'humiliait affreusement. Mais il était pris. Il était à la merci de ces gens. Il céda. Soit. Ma fille n'épousera pas, monsieur de Breul. Belmascaro triomphait, mais sa physionomie pour cela ne changea pas. C'est à reculons qu'il sortit, saluant plus bas que jamais, outrant les témoignages de respect. Mais en descendant l'escalier, il se frotta les mains. « Si Ortebise a réussi comme moi, » murmura-t-il, « l'affaire est dans le sac. »